commence nouvelle journée. Et le réveil sonne pour venir me tirer de mon rêve jusqu'en ça devenait bien. Les rêves du lundi, j'en vois jamais la fin. Un pied dans le saloon, encore dans le week-end. Un pied dans la tombe, c'est le début de la semaine. J'en garde des séquelles comme des plombs dans le corps. Pendant deux jours de suite, j'ai dormi à l'aurore. Lundi matin commence nouvelle journée. Et je pars en duel avec la matinée. Le temps, c'est le shérif, le réveil a sonné. J'ai pris 10 minutes, je me suis pas réveillé. Du coup, je me speed, tant pis pour le café. Une douche, je m'habille, pas le temps de repasser. Je prends l'ascenseur, j'allume le starter. Lundi matin, y'a plus de train en vapeur. Lundi matin commence nouvelle journée. Et le réveil sonne, faut aller travailler. Lundi matin commence nouvelle journée. J'pars en duel avec la matinée. Lundi matin commence nouvelle journée. Et le réveil sonne, faut aller travailler. Lundi matin commence nouvelle journée. J'pars en duel avec la matinée. Ma super sac, c'est ma diligence. J'ai peur des bouchons comme les Ajax quand j'y pense. Pour moi, arriver en retard au boulot, c'est finir scalpé par monsieur le tire-l'eau. Pendant le trajet, je rêve de voyage. Les autres klaxonnent dans les embouteillages. Un sol goudronné, un ciel de nuages. Je roule vers l'été comme les gens de tout âge. Pendant le trajet, je refais le monde. Le temps d'un feu rouge, c'est l'affaire d'une seconde. Ensuite, je repars dans mes préoccupations. Je pense déjà au soir, les factures, la maison. Pendant le trajet, je pense à demain. Personne devient riche, en tout cas la douche vient. Une fois sur place, pas de place pour se garer. Lundi matin, je vais devoir m'expliquer. Lundi matin commence nouvelle journée. Et le réveil sonne, faut aller travailler. Lundi matin commence nouvelle journée. J'pars en duel avec la matinée. Lundi matin commence nouvelle journée. Et le réveil sonne, faut aller travailler. Lundi matin commence nouvelle journée. J'pars en duel avec la matinée. Une fois sur place, je dois me camoufler. Je m'engage dans le canyon de couloir dans l'entrée. Il me reste une chance si je suis pas remarqué. Et là, coup de théâtre, je la vois débarquer. L'adjoint du marshal, ma collègue d'à côté. Elle lui tire ses pompes, va tout lui raconter. L'ambiance du travail comme au temps du Far West. On se tire dans le dos et on se ramasse des vestes. J'arrive à mon poste, tant pis, faut y aller. Je me sers à la banque, donc je dois travailler. Les travaux forcés et j'ai le boulet au pied. L'habit du bagnard, la chemise cravatée. Et mon réveil sonne, je dois me réveiller. Putain, cauchemar, je veux devoir y aller. J'ai des textes à écrire, des instrus à boucler. Lundi matin, faut aller travailler. Lundi matin commence nouvelle journée. Et le réveil sonne, faut aller travailler. Lundi matin commence nouvelle journée. J'pars en duel avec la matinée. Lundi matin commence nouvelle journée. Et le réveil sonne, faut aller travailler. Lundi matin commence nouvelle journée. J'pars en duel avec la matinée.